C'est comme un sujet qui revient, comme un geyser qui nous retient. Je l'ai purgé et je maintiens, c'est d'un désert que je proviens. Loin des temps diluviens, d'où le soleil carbonise. D'un coin où l'on t'intronise si tu as le respect des liens. Je viens de la paix où l'oseille engendre l'astuce. Où les anciens visages drapés vont vendre le fruit du cactus. Où les sages portent un message, sous des nuits satinées. Où les voix fortes ont un usage, dans le bruit sourd des matinées. Je viens d'un chemin de sable, où un vent aigu rend le lendemain instable. Et bien souvent ambigu, mais rien d'exigu dans le cœur. Au sein de la débrouille, c'est pour les siens que l'on dérouille. Au ventre, la trouille et la peur. Chantre de nos racines, l'atlas derrière la parabole. La classe de nos pères, un symbole. Et tous leurs repères me fascinent, on resplendit. Nous des fennecs, des aigles ou des lions. Et nos règles, nos paradis, se foutent de vos millions. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. Un peu d'ici, un peu de là-bas, je ne serai nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. J'ai l'accent des inculpés, le teint des voleurs. Si toi aussi t'as un de ces noms bizarres ou imprononçables, commençant par Ben, que les autochtones de ce pays écorchent avec peine à chaque syllabe, tu te reconnaîtras. C'est pour nos semblables partageant entre la France et le Maghreb. Là-bas t'as un français, ici t'as un arabe. Comment t'expliquer la difficulté pour s'intégrer? Mon père m'a jamais dit qu'ici c'était pas chez moi. Je l'ai entendu de la bouche d'un camarade de classe, exclu, reclus dans des bars HLM entre peuples de même communauté. Toujours les mêmes notés comme t'as pu noter. La télé informe et tient pas compte de l'histoire de nos parents. Leur honneur et leur dignité, tout ce qui nous reste. Pour un Algérien, la fierté, c'est essentiel. Je crois que c'est dans les gènes, car même en ayant la culture et l'éducation française, j'ai toujours eu du mal à chanter leur putain de Marseillaise, frère. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. Un peu d'ici, un peu de là-bas, je ne serai nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. J'ai l'accent des inculpés, le teint des voleurs. Le teint des voleurs. Bismillah pour introduire, Alhamdoulilah pour finir. Dieu est présent de partout, dans les rues de mes souvenirs. On ne se perd pas dans les mots, on ne se perd pas dans l'amour. Les sentiments sont tabous, on se réfugie dans l'humour. Mes parents ne savent pas lire, ils la connaissent par cœur. Ils m'ont foulé pieds nus, ils ont laissé frères et sœurs. L'exil qu'ils font est amer, les gosses qu'ils font seront maths. Iront-ils jusqu'à la fac, y aura-t-il trop de barrières? L'Algérie était française, l'Algérien n'est pas chez lui. Quand l'Algérien est en France, il n'est toujours pas chez lui. Y'a des mariages cet été, obligé j'y vais. L'appel à la prière me fait culpabiliser, t'sais. Avec tes taxis jaunes, tes gamins qui courent les rues, les mecs qui tiennent les murs et font du marché noir. Tes gandoras, tes hayek, tes traditions, tes dialectes, je me sens arabe ou presque. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. Un peu d'ici, un peu de là-bas, je ne serai nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Double culture, double douleur, double peine. Idem et la couleur, mais tout est trouble dans les veines. J'ai l'accent des inculpés, le teint des voleurs. Le teint des voleurs.